Les coordonnées. Activité 10. A et B. Ricardo, quel est votre numéro de portable ? C'est le 06 70 65 28 31. Et votre adresse mail ? ricardo.gomez@free.fr. Et vous, Laura ? Mon portable, c'est le 06 95 85 71 88. Et mon mail, c'est lmarini, l et marini tout attaché, @hotmail.com. Et vous, Ali ? Mon portable, le 06 56 99 65 13. Et mon adresse mail, ali-gordon@gmail.com. Et Peter ? Mon portable, c'est le 06 66 81 91 68. Et mon mail, p-larsen@aol.com.